Le Parti des ouvriers de Hongrie a inséré le 19 courant dans son page d'internet, l'œuvre classique du président Gemelson, de l'essai victorieuse et historique de la guerre de libération de la patrie et des tâches de l'armée populaire.